La nature entière, prisonnière sous le givre, impassible et austère, se contente de survivre. Alors pourquoi tu t'ingères à vouloir me poursuivre? Tes phrases incendiaires s'inscrivent dans les archives. Un silence somnifère s'obstine à garder captive sous des barrières de poussière nos tardives tentatives. Laissons au fond des étrangers sans aucune perspective nos vieilles rancunes amères, nos inquiétudes naïves. The time has come.